can love you and hate you at the same time. I can smile at you and say the worst thing behind your back. This is my human nature. Don't be mad with me, 'cause this is my human nature. I can take your people. Savoir jusqu'où peut aller seule la nature humaine, capable de tout, je l'ai tué, défait des fils et des thèmes. Depuis combien de temps on ne fait que cumuler la haine, à trop compter nos peines, est-ce que c'était inscrit dans nos veines? Mentir dans le but de t'instruire, c'est fait. Et croire sans inspirer, le faire vivre, c'est fait. En s'appuyant sur les théories de livres, c'est fait. Risquer de tout perdre si tu ne veux pas suivre, c'est vrai. On cherche les extrêmes et d'équilibrer, c'est sûr à mourir. Plus on avance, plus c'est facile de banaliser le pire. Est-ce qu'on peut guérir de la bêtise et de tous nos désirs? Nos cerveaux ont viré, on peut tout dire et tout contredire. Donner des leçons et tant pire, c'est fait. Souiller l'innocence et en jouir, c'est fait. Et te dire de croire en l'avenir, c'est fait. Volontairement s'auto-détruire afin de fuir, c'est fait. Je te prends, y'a le pouvoir de faire partir les hommes, c'est loin. C'est comme cette merde de roi soleil face à l'histoire de mien. Revenons sur le globe, ce qu'on en fait quand on l'a dans les mains. Quand on a les moyens, les gens changent, doit-on plus croire en rien? On sandwich entre les monstres et les grands hommes, c'est nous. Le monde a créé des Mandela, des marques, des trous. Des numéros de grands champions et des numéros d'écrous. À ta se battre dans le vent en espérant que tourne la roue. À ta on lâche l'affaire des talents gâchés. On est tellement continuellement à se chercher, piqué dans l'ego par son voisin. Tant de combats nobles à la base devenu malsain. Pessimiste ou réaliste, as-tu regardé la grandeur de la liste? Depuis que ma plume existe, les corps qui clament tel un médecin légiste. The strongest, the weakest live inside of me. I'm the good, I'm the bad, living with the fear. This is my human nature. This is my human nature. The strongest.